Chapitre 2. Sa femme, Anne, souffrait d'un double chagrin et elle était en proie à une double douleur, disant « Je déplore mon veuvage et ma stérilité. » La grande fête du Seigneur survint et Judith, la servante d'Anne, lui dit « Jusqu'à quand affligeras-tu ton âme? Il ne t'est pas permis de pleurer, car voici le jour de la grande fête. Prends donc ce manteau et orne ta tête. Tout aussi sûr que je suis ta servante, tu auras l'apparence d'une reine. » Et Anne répondit « Éloigne-toi de moi, je n'en ferai rien. Dieu m'a fortement humiliée. Crains que Dieu ne me punisse à cause de mon péché. » La servante Judith répondit « Que te dirai-je, puisque tu ne veux pas écouter ma voix? C'est avec raison que Dieu a clos ton ventre, afin que tu ne donnes pas un enfant à Israël. » Et Anne fut très affligée, et elle quitta ses vêtements de deuil. Elle orna sa tête, et elle se revêtit d'habits de noces. Et vers la 9e heure, elle descendit dans le jardin pour se promener. Et, voyant un laurier, elle s'assit dessous, et elle adressa ses prières au Seigneur, disant « Dieu de mes pères, bénis-moi et écoute ma prière, ainsi que tu as béni les entrailles de Sarah, et que tu lui as donné Isaac pour fils. »